quel moment le rien bascule-t-il vers le quelque chose? À quel moment le non-être devient-il de l'être? Et du point de vue de ce ou celui qui est, comment passer du sentiment d'être au sentiment d'exister? Ces questions existent depuis le début de l'histoire de la philosophie. Platon contre Parménide soutient que le non-être existe. Mais personne n'a jusqu'à présent élucidé le point de passage entre ce qui n'est pas et ce qui est. Ce début porte un nom. Et la réalité que désigne ce nom nous accompagnera jusqu'à jeudi. Ce nom, cette réalité, ce point de bascule, c'est le bébé. Tu vois le truc noir au fond de l'œil? Quand il est super ouvert, ça veut dire que la fille, elle fait vers genre le sexe, tu vois. Et c'est reparti, mon kiki. Je peux pas y aller, j'ai peur. Quand je vois ce trou noir, j'ai le cœur qui lâche. Et si jamais il se masturbait, je me vois pas finir au plafond. Accroche-toi, Becker. Oh non, oh quelle angoisse. Mais c'est quoi ces messins? Ils sont énormes. Mais c'est un bébé. C'est son cœur qui bat. Écoutez, quand je voudrais avoir un bébé, j'irai me marier, et régulièrement. Vous êtes sûr que c'est mon ventre que vous filmez là? C'est pas des images d'archives? Je vais regarder s'il y en a qu'un. Il pourrait y en avoir plusieurs. Bah vas-y, accouche. Et stop, ne poussez plus. Voilà. Et ça y est, bravo, il est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bébé. Poutou, poutou, poutou, poutou. Hé, au secours. J'ai froid, je suis trempée et je ne sais pas comment m'en sortir. Est-ce que quelqu'un pourrait venir m'aider? Mais moi, ça m'intéresse pas trop les bébés, en fait. Bonjour Bernard Golz. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes pédopsychiatre et psychanalyste, professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université de Paris, fondateur de l'Institut contemporain de l'enfance. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont un ouvrage qui s'appelle « Le bébé du sentiment d'être au sentiment d'exister » paru chez RS. Je le disais en début d'émission, finalement, comment passer de l'un à l'autre, c'est peut-être le point de bascule d'une forme de rien vers le tout. Et c'est ainsi que vous pensez le bébé, n'est-ce pas? Oui, c'est une façon de penser au bébé. Mais d'abord, Adèle, je voulais vous remercier beaucoup de cette invitation. Ça me fait vraiment très plaisir d'être là. Votre émission est plus qu'intéressante. Et en ce qui me concerne, et sur cette question du bébé philosophe, je la trouve très très stimulante. Même si je ne suis pas moi-même philosophe, comme vous le savez, comme je... Eh bien, j'en suis ravi. Je suis ravi de commencer cette semaine avec depuis vous. Depuis le début de cette émission. Voilà. Alors, c'est vrai que parler du bébé en tant que philosophe a quelque chose d'un peu provocateur, parce que vous savez que pendant très très longtemps, on a parlé plutôt du nourrisson que du bébé. Alors le mot nourrisson, il existe toujours, on va pas supprimer les mots. Mais le mot nourrisson était vraiment très très très centré sur l'alimentation, nourriture, nourrisson, sur le tube digestif, les entrées, les sorties. Les professionnels avaient vraiment une vision assez réductrice du bébé, comme d'un être assez passif qui recevait tout de l'autre et qui se construisait comme ça à partir du dehors, du moins vers le plus, si je puis dire. Hein. Aujourd'hui, on a vraiment, les professionnels en tout cas, ont beaucoup changé de point de vue. Je crois que les parents savaient depuis toujours que leur bébé n'était pas réductible à un tube digestif, mais les professionnels quand même en parlaient comme ça, puis même le mot puériculture. Ouais. Moi je travaille à l'Institut de puériculture de Paris. Là aussi on va pas changer les mots, mais c'est un petit peu moyen comme mot. Hein. On cultive pas les bébés comme on cultive des légumes ou les fleurs. Encore que les éducatrices de jeunes enfants, autrefois s'appelaient les jardinières d'enfants, ce qui était quand même assez joli. On parle jardin d'enfants. Voilà, vrai, ouais. Parce que c'est vrai que les bébés, comme les plantes peut-être, poussent par eux-mêmes, par elles-mêmes, mais avec quelqu'un à côté, qui les regarde, qui s'émerveille, qui les étaye dans leur développement. Alors, voilà. Est-ce qu'on peut dater à partir de quand le bébé a été pris au sérieux par la médecine? Voilà. Après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est très récent. Très récent, c'est pour ça que c'est une discipline vraiment en plein essor, mais avec beaucoup plus de questions que de réponses, comme toutes les sciences vivantes. Et en France, on peut dater ça. Dans les années 80, il y a eu une émission, enfin une série télévisée, culte, à l'époque, faite par Bernard Martineau, qui s'appelait « Le bébé est une personne » et qui a beaucoup marqué les esprits à cette époque-là. Et après, on a parlé de plus en plus du bébé. Et à vrai dire, aujourd'hui, puisque vous évoquiez la vie prénatale tout à l'heure, on emploie le mot « bébé » encore de plus en plus, même pour le fœtus. peut-être on y reviendra tout à l'heure. Bon, le bébé est une personne, il est une personne en devenir, et vous allez voir, ce que je vais essayer de soutenir comme idée, c'est que pour que le bébé se sente lui-même une personne, il faut qu'on anticipe un peu, et que du dehors, qu'on se pense tout de suite, nous, adultes, comme une personne, hein. Enfin, pour le tirer en avant un petit peu dans son développement. Connaît-on l'étymologie du mot bébé ? Pas tellement, mais il me semble que le narcissisme des adultes, là, est assez important. Vous savez que l'étymologie de papa et de maman n'est pas connue non plus. Il se trouve que les bébés, tous les bébés du monde, prononcent assez facilement des voyelles ouvertes comme le A et des consonnes antérieures, le P, le M, donc tout naturellement, spontanément, ils prononcent papa et maman très au tout début de leur vie, et les adultes ont eu envie que ces premiers mots les désignent. Moi, ça marche en français, mais pas dans les autres langues. À peu près dans toutes les langues, ah bon, c'est des équivalents. Et probablement pour le bébé, c'est un petit peu pareil. C'est aussi quelque chose qui est très facile à prononcer, et on a peut-être eu envie de faire de ce mot la manière pour le bébé de se désigner lui-même. Mais on n'est pas très sûr de ces étymologies, de ces racines. Alors, avant qu'on avance ensemble dans cette émission et que vous nous expliquiez comment le bébé peut passer du sentiment d'être au sentiment d'exister. À juste un point, vous concernant Bernard Goltz, comment avez-vous, ou pourquoi avez-vous choisi de faire de votre vie, de mettre le bébé en son centre professionnellement ? Alors, c'est vrai qu'en tant que pédopsychiatre et psychanalyste, je ne m'occupe pas que de bébés, mais je m'occupe surtout de bébés. Enfin, je m'occupe aussi d'enfants et d'adolescents. À vrai dire, au tout début de ma vie, j'ai un petit peu hésité entre le fait de devenir chef d'orchestre ou de devenir médecin. Voilà, mais j'ai aucun regret. La musique garde une très grande place dans ma vie. Il y a des liens, oui. Et puis, en tout cas, avec le bébé, ce qui me passionne chez le bébé en particulier, c'est le développement du langage. Et le langage chez le bébé, eh ben, c'est de la musique pure au début. Pure. Voilà, donc peut-être que je conjoins là mes deux choix initiaux en m'intéressant au bébé et au langage du bébé. Alors, ouais, on va commencer justement, on va essayer de rencontrer le bébé avant qu'il naisse. Comment parlerait-il s'il était doué de la parole telle que nous l'utilisons ? Parce que partons du principe que le bébé est peut-être doué de parole, ouais, mais juste qu'il parle différemment que nous. Voici un extrait de La vie d'un bébé de François Weyerganz. Je vais naître d'ici peu. Je n'ai plus qu'à attendre la rupture de la poche des os. Je me sens calme et résolu. Ma mère vient de dire à la sienne, arrivée à Paris pour la circonstance, « C'est pour bientôt ». Je crois que ma mère n'a jamais vu un nouveau-né de sa vie. J'espère qu'elle sait que je ne ressemblerai pas à un ours en peluche. Je ne suis pas un jouet. Je ne serai pas un petit baigneur en celluloïdes. Les jouets en celluloïdes sont interdits, ils s'enflamment trop facilement. Je suis destiné à être un homme du 21e siècle. Ce siècle commencera avec une légère avance puisqu'il va commencer avec moi. Ce sera le plus pochette surprise de tous les siècles. Les siècles précédents n'auront servi qu'à préparer celui-là. Je vous assure qu'on va s'amuser. Ce sera la seule façon de s'en sortir. Il s'agira d'être drôle, sinon c'est cuit. Bien sûr qu'il y aura des guerres, mais ces guerres feront moins de morts qu'on croit. La mort, c'était l'apanage du 20e siècle. Les fœtus actuels ne sont pas si bornés. L'ordre maçonnique des fœtus est un ordre qui favorise une humanité fraternellement organisée. Pourquoi l'évolution n'a-t-elle pas fait davantage confiance aux fœtus ? Si l'évolution nous avait fait confiance et ne nous obligeait pas à naître en oubliant tout, nous aurions évité à l'espèce humaine bien des bêtises, lesquelles, j'en conviens, font le charme de la dite espèce. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Vendrette. Et nous parlons bébé cette semaine, enfin on essaye de comprendre le langage des bébés ce matin en compagnie du pédopsychiatre Bernard Goltz. Alors vous venez d'entendre un extrait donc du texte La vie d'un bébé de François Weyerganz. C'est passionnant parce qu'il donne la parole à un bébé qui est encore dans le ventre. Est-ce qu'on peut parler de bébé d'ailleurs ou de fœtus ? Normalement on devrait parler de fœtus. C'est ça, donc à un fœtus qui a une hantise tout à fait justifiée si je vous ai bien entendu, parce que le texte a été écrit en 1986, c'est « Est-ce que ma mère va me prendre pour un objet ou pour une personne ?» Alors vous voyez, le Ferenczi, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, un psychanalyste connu de l'époque de Freud, avait parlé du nourrisson savant. Aujourd'hui, on décale encore le problème, on le voit avec cet extrait, on pourrait presque parler du fœtus savant, et il y a à s'interroger pourquoi on prête quand même tant de compétences et de potentialités au bébé et au fœtus. D'ailleurs, j'en profite pour dire que parler du bébé philosophe, bon, c'est un petit peu un jeu de mots quand même, parce que être philosophe, vous le savez mieux que moi quand même, c'est penser à la pensée par la pensée. Donc il y a une réflexivité, quelque part, ce qu'on appelle une métapensée. Et bon, il est quand même peu plausible qu'un bébé, et encore moins un fœtus, ait tout de suite cette réflexivité de la pensée sur sa propre pensée. Mais je vais en reparler parce que c'est ça, le passage de l'être à l'existence. Ouais. Alors là, on a vraiment un fœtus qui se demande, qui a le langage, à qui on prête déjà la subjectivation, puisqu'il parle en termes de « je ». Bon, tout ça n'est guère possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, adultes? Est-ce que ça veut dire, dans le rêve du nourrisson savant de Ferenczi avait proposé plusieurs hypothèses. Il avait dit peut-être qu'on prête au bébé, enfin au nourrisson, à l'époque on disait, au bébé, peut-être qu'on prête au bébé des pouvoirs extraordinaires pour se moquer de la psychanalyse qui a trop insisté sur la petite enfance. Bon, possible. Peut-être qu'on prête au bébé toute une série de compétences en pensant qu'il a peut-être un savoir immédiat sur la sexualité, ce qui est évoqué d'ailleurs dans l'extrait. Ouais. Et puis enfin, peut-être qu'on prête au bébé beaucoup de compétences, de potentialités, d'aptitudes, mais formidables, en réserve ou mises en œuvre, bon ça dépend, pour penser que le bébé est capable de se défendre contre nous adultes qui sommes vraiment pour lui le traumatisme absolu. Vous voyez, tous les cas, c'est une projection de l'adulte sur le bébé. Alors, à la fois, c'est une projection, et quand même, aujourd'hui, on sait que le bébé a plus de savoir ou d'aptitude que ce qu'on croyait pendant longtemps. C'est pour ça qu'on est passé de nourrisson à bébé. Et juste un petit mot là-dessus, quand on pensait nourrisson, en fait, on comparait son développement psychique au développement physique, c'est-à-dire à une espèce d'accumulation de compétences successives qui fait que le bébé grandit. Aujourd'hui, on pense que, c'est-à-dire un développement du moins vers le plus. Mmh. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser que le bébé naît avec toute une série de potentialités et que l'expérience et la mise en œuvre d'un certain nombre de fonctions vont permettre de frayer et de sélectionner les circuits ou les fonctions ou les processus neuronaux et psychiques dont il a besoin, comme une espèce d'élagage progressif. Voilà. Donc cela, ce serait un développement plutôt du plus vers le moins. Un petit peu comme en immunologie, on est avec tout un répertoire d'anticorps possibles et on va ne garder que ceux qui correspondent aux antigènes qu'on rencontre. Là, pour le bébé, il naît peut-être avec toute une série de circuits neuronaux, synaptiques énormes et il va sélectionner les circuits dont il a besoin. C'est ce que Changeux avait appelé le darwinisme neuronal. C'est ce que j'allais dire, c'est darwinisme, du darwinisme. Absolument. Ouais. Voilà. Mais est-ce que tous les bébés sélectionnent les mêmes compétences? Ben non, en fonction de leur environnement. Et l'environnement, d'ailleurs, dans toutes les composantes possibles. Hein, c'est pas que l'environnement relationnel. Il est très important, sinon je ferais pas le métier. Si je ne le pensais pas, je ferais pas le métier que je fais. Mais il y a l'environnement écologique, culturel, biologique, alimentaire. Je vais parler très régulièrement depuis une dizaine d'années des bébés aux adolescents dans une ZEP à Romilly-sur-Seine. Et l'année dernière, j'ai eu une question incroyable qu'on ne m'a jamais posée dans les congrès les plus sophistiqués auxquels j'ai pu participer. Un jeune adolescent, parce que je pense que parler aux bébés, aux adolescents, des bébés qu'ils ont été, peut-être les aidera à mieux accueillir les bébés qu'ils auront peut-être un jour. Hein. Les adolescents sont très très sensibles aux bébés. Voilà. Et un adolescent m'a posé une question incroyable. Il m'a dit, et à votre avis, qu'est-ce que ça fait pour un bébé d'être élevé dans une dictature? Voilà, j'ai un petit peu improvisé parce que c'est la première fois qu'on me posait cette question. Je lui ai dit, écoutez, le principe de la dictature, c'est de faire que les gens ne pensent qu'une seule chose sur chaque chose, alors que la liberté de penser, c'est de pouvoir penser plusieurs choses différentes sur une seule chose. Donc, a priori, ça ne doit pas être très très bon, mais on a encore du boulot pour le démontrer quand même. Hein. Alors la question qui se pose, je vous disais que voilà, quand vous parlez de Ferenczi, que tout ce qu'on peut dire sur les bébés n'est peut-être qu'une projection de nous-mêmes sur le bébé, c'est comment savez-vous ce que vous savez sur le bébé? Et comment, puisque c'est la thèse que vous développez, Peut-on savoir à quel moment le bébé va passer de ce sentiment d'être à ce sentiment d'exister? Oui. Est-ce qu'on a des données? Est-ce qu'il y a des examens? Pour répondre à ça, est-ce que je peux refaire un petit tour par le fœtus? Je vous en prie. Vous intéresser tout à l'heure. La médecine fœtale a fait quand même beaucoup de progrès. Depuis également 20, 30 à 40 ans, c'est un monde en pleine expansion. Voilà, on sait aujourd'hui que le bébé, le fœtus, met en place quand même pendant la grossesse un certain nombre de composantes de son organisme, et notamment dans son cerveau, les zones nécessaires à la sensorialité. Mmh. Voilà, et dans un ordre toujours le même pour les bébés, en début de grossesse, c'est le toucher, le tact, l'olfaction, le goût, et en fin de grossesse seulement, parce qu'il n'en a pas besoin dans la nuit utérine tellement, l'audition et la vision, l'audition par les oreilles et la vision. Donc c'est dans cet ordre-là absolument. Toucher, olfaction, goût, et en fin de grossesse, audition et vision. Et alors c'est extraordinaire parce que... Et tout le reste du cerveau va se construire à l'air libre après la sortie du corps maternel. C'est-à-dire pour chaque bébé dans un environnement extrêmement différent, on vient d'en parler, et dans l'espèce humaine, la diversité est stupéfiante. Hein. Moi j'aime bien, surtout en période préélectorale, rappeler que la diversité, c'est pas un obstacle. C'est le trésor le plus précieux de notre espèce et qui est favorisé par le fait que le bébé humain, plus que tous les autres bébés mammifères, naît très immature, très inachevé à la naissance. Mais c'est pas une erreur de la nature. Oui, hein. Certains animaux marchent à la naissance. Le petit poulain, il va chercher de l'eau, il va chercher à manger. On est très ému quand on voit ça parce que nous, si on nous... On meurt et il faut jamais de prédiction dans mon travail. Mais si on laisse un nouveau-né humain, même à terme, tout seul sur la table de naissance, il meurt. Point final. Voilà. Alors, c'est pas une erreur de la nature, parce qu'on parlait de Darwin tout à l'heure. C'est une chance. C'est très risqué au début. Le bébé humain est très immature, très dépendant de l'environnement, de son entourage. Mais c'est une chance énorme parce que comme il va construire son cerveau à l'air libre pendant les 4 ou 5 années qui suivent l'accouchement, eh bien, chaque bébé va le faire dans un environnement différent, avec des parents différents, avec une place différente dans la pensée des parents, un environnement culturel, social, familial, relationnel, et donc la diversité est stupéfiante, et même les vrais jumeaux ne se ressemblent pas complètement, et dès le début, ont des interactions différentes avec la mère et le père. Si un jour il y a des clones, je ne sais pas si vous le souhaitez, mais enfin le problème, ce ne sera pas l'identité. Il y aura d'autres problèmes, mais ils ne se ressembleront pas plus que les jumeaux monozygotes, qui ne se ressemblent pas complètement, parce que même quand on partage tout, pendant la grossesse, le liquide amniotique, l'histoire de la grossesse, le même père, la même mère, on ne partage pas la même place dans la tête de leurs parents. Bah, tout ce que vous dites revient à minimiser l'importance des gènes dans le développement du bébé. Ou c'est l'épigénèse. Je veux pas vous rendre triste dès le début de cette émission, mais nous n'avons pas plus de gènes que la mouche. 35 à 40 000 gènes, et bon, on ne sait pas très bien ce que les mouches pensent de nous. Oui, c'est ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Il est assez plausible de dire quand même que d'une mouche à l'autre, il y a quand même beaucoup moins de différence que d'un être humain à l'autre, parce que nous sommes le produit de nos 35 000 gènes, mais aussi et surtout ce qu'on appelle l'épigénèse, c'est-à-dire l'influence de l'environnement sur l'expression de nos gènes. Alors, je ne minimise pas la génétique, elle existe, on ne peut pas la dénier, mais je crois que l'être humain est vraiment le produit plus de son histoire que de son génome. Mais ce que vous dites est... De l'influence de son histoire sur l'expression de son génome. C'est extrêmement culpabilisant pour les parents. Ça veut dire que la femme enceinte qui a un fœtus dans le ventre, tout ce qu'elle va faire pendant la grossesse va avoir un impact direct sur le fœtus. Je vous ai dit tout à l'heure que dans l'environnement, il y a tous les composants. Il n'y a pas que la mère dans la vie des bébés. Il n'y a pas que la mère, il n'y a pas que le père non plus dans la vie des bébés. Il y a tout ce qu'il y a autour. Vous avez vu la question à Romy, il y a la culture, il y a la politique, il y a tout. L'environnement biologique, l'environnement alimentaire, ça ne fait que commencer. On comprendra mieux, je crois, au cours de ce siècle, ce que c'est que la causalité épigénétique. C'est quand même assez loin de la causalité d'Aristote. La causalité épigénétique déculpabilisera tout le monde, mais montrera que l'histoire se fait au point de rencontre entre le dedans, la part personnelle du bébé, et le dehors, l'environnement. Est-ce que vous avez remarqué que pendant que vous parliez, Mozart est arrivé sur la pointe des pieds? Est-ce que si j'étais enceinte là, et de, disons, 5-6 mois, est-ce que le fœtus pourrait entendre cette musique? Absolument. Parce qu'il y a débat autour de cette question aussi. Oui, hein. Alors on en était là un peu dans la discussion. D'abord, Mozart est une des musiques que les bébés aiment le plus, parce que Mozart produit beaucoup d'ultrasons. Et les bébés sont très sensibles aux ultrasons. Hein. Dans un accord parfait, le Do met en branle le Mi met en branle le Sol, et ça monte comme ça jusqu'aux ultrasons. Et dans Mozart, c'est là qu'il y a le plus d'ultrasons. C'est peut-être une des raisons, pas la seule, du succès planétaire de cette musique. Et alors les fœtus, puisque je vous ai dit que pendant la grossesse, tout commençait par le tact, vont entendre les sons d'abord par la peau. Et laissez-moi là vous expliquer ça deux minutes, parce que c'était vraiment, vraiment important. Est-ce qu'on garde Mozart avec nous pendant que vous parlez? Ah oui, oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien. En fait, le bébé, et c'est une hypothèse aujourd'hui qui commence à prendre de plus en plus de poids. Dans l'utérus, il y a plein de sons qui arrivent. Il y a des sons du dedans, il y a des sons du dehors. Les sons qui viennent du dedans du corps de la mère sont certains rythmiques, le bruit du cœur, le bruit des gros vaisseaux, la respiration, même sans être tout à fait régulière, elle est quand même rythmique. Et puis il y a les sons du dehors, de toutes sortes, humains, non-humains, rythmiques, non-rythmiques. Voilà, les sons du dedans vont traverser les tissus du corps de la mère, traverser la paroi utérine, mettre en vibration le liquide amniotique, et c'est le liquide amniotique que le bébé va ressentir par la peau. Et comme il a le tact tout de suite, l'audition cutanée est quasi immédiate en début de grossesse. Les sons du dehors, eux, vont faire le même trajet, mais après avoir d'abord traversé la peau de l'organisme. Et là, il y a un effet de filtrage au niveau des harmoniques et des composantes du son. Ce qui fait que les sons du dehors sont un peu différentes dans leur structure que les sons du dedans. Voilà, alors le bébé, le fœtus, vous voyez, moi aussi, je parle de plus en plus du fœtus en disant bébé. Le fœtus, bien entendu, n'a pas la réflexivité, il n'a pas le jeu, il n'a pas tout ce qu'on a entendu dans le texte de tout à l'heure, qui est un très beau texte, mais enfin un petit peu anticipateur. Mais par contre, le bébé peut remarquer sensoriellement qu'il n'y a qu'un seul son qui lui parvient, qui est à la fois un son du dedans et un son du dehors. On va pas jouer aux devinettes, je vais vous le dire tout de suite, mais le seul son qui soit un son du dehors et un son du dedans, c'est la voix de la mère. La voix de la mère. Parce que quand elle parle, une partie de sa voix va directement au bébé en passant par l'intérieur de son corps de la manière dont je vous ai dit, raconté ça tout à l'heure, et une partie de sa voix s'exprime vers le dehors et va revenir vers le fœtus en traversant cette fois-ci la peau. Voilà. Et le bébé peut remarquer ce stimulus sonore pas comme les autres, c'est tout. C'est tout ce qu'il dit, pas c'est, il dit pas c'est maman, mais il remarque qu'un stimulus pas comme les autres, doublement inscrit, si vous voulez, en tant que son du dehors et son du dedans, est imprévisible. De temps en temps, la mère parle, de temps en temps, la mère ne parle pas, de temps en temps, elle lui parle, de temps en temps, elle ne lui parle pas. Elle s'est discontinue, et pour lui, c'est un stimulus extrêmement motivant, mobilisateur. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et Mozart, l'adagio du concerto numéro 23, concerto en la majeur avec pour chef d'orchestre Neville Marriner. C'est une suggestion de votre part, Bernard Goltz. C'est Ivan Moravec au piano. Vous disiez que vous aviez hésité entre être pédopsychiatre et chef d'orchestre, mais si je vous ai bien écouté, le bébé lui-même est un chef d'orchestre. Absolument. Absolument, et c'est en particulier ce que j'ai travaillé avec un chef d'orchestre que vous connaissez sûrement à France Culture, France Musique ici, qui s'appelle Gilbert Ami. Et on a écrit ensemble un petit livre sur les mains du bébé, on a essayé de mettre en perspective le travail des mains du bébé avec le travail des mains du chef d'orchestre. Dans un cas comme dans l'autre, le bébé avec ses mains transmet quelque chose de lui à sa mère, quelque chose de ce qu'il a senti dans la relation. Le chef d'orchestre transmet à ses musiciens quelque chose de ce qu'il a senti, bien sûr, de ce qu'il veut induire dans le jeu des musiciens. Mais dans les deux cas, le bébé traduit à sa mère ce qu'il a reçu d'elle aussi. Mm-hmm. Et le chef d'orchestre traduit au musicien ce qu'il a reçu d'eux. Donc il y a une espèce de point de comparaison que j'aime bien. Mais vous m'avez interrogé tout à l'heure quand même sur le passage de l'être à l'existence. Voilà, il faut là, essayons de répondre à la question. Qu'est-ce que c'est que le sentiment d'être? Qu'est-ce que c'est que le sentiment d'exister? Et comment passons de l'un à l'autre? Ça fait beaucoup. Alors, encore une fois, je vois vraiment, vous le sentez bien, je ne décrète pas que le bébé est un philosophe. Hein. Je dis simplement que la psychiatrie du bébé, c'est pas simplement une petite tranche en plus de la psychiatrie, comme on aurait la psychiatrie de l'adulte, la psychiatrie du vieillard, la psychiatrie de l'adolescent, la psychiatrie de l'enfant, la psychiatrie de Non, c'est, bien sûr, c'est une petite tranche de savoir supplémentaire, mais je crois que ce qui est très intéressant, c'est que ça permet de reposer en amont, au niveau des précurseurs, des tas de questions que, bien sûr, les anthropologues, les sociologues, les philosophes, les linguistes se posent depuis toujours. Comment est-ce que... c'est pas simplement comment fonctionne le langage, c'est comment est-ce qu'on entre dans le monde des signes, du langage, de la sémiotisation, de la symbolisation. Comment est-ce qu'on devient un sujet? C'est pas simplement la notion de sujet, c'est comment est-ce qu'on devient un sujet? Ça, c'est la question du jour, si je puis dire. Ou comment est-ce que comment on découvre l'autre et comment on se découvre soi-même. Voilà, donc moi ce qui me passionne chez le bébé, j'espère que mon enthousiasme est suffisamment contagieux même à la radio, c'est que c'est de la psychologie, c'est de la psychiatrie, mais c'est aussi une façon d'aborder, pas en amont, au niveau des précurseurs et des prémices, toute une série de problèmes anthropologiques fondamentaux. Alors moi je suis, pour penser cette question de l'être à l'existence, et puis j'essaierai de vous poser une question concernant l'étant, parce que vous êtes plus philosophe que moi. Mais en ce qui concerne l'être et l'existence, je pense beaucoup à Winnicott. Oui, qui est Winnicott? Alors Winnicott était un pédiatre psychanalyste anglais qui est mort en 1971, donc il y a une cinquantaine d'années, mais qui était d'abord pédiatre, puis qui est devenu psychanalyste, qui a absolument marqué en profondeur la discipline, enfin la réflexion de toutes les personnes qui s'occupent des tout-petits. Ça a été un grand créateur d'idées. Et à la fin de sa vie, il était assez âgé, en 71, probablement, il y avait sans doute un certain nombre d'angoisses de mort qui commençaient à s'accentuer chez lui. Bon, c'était le moment ou jamais, hein. Et il a repris et il a développé un concept qu'il avait proposé un petit peu avant, en anglais, le « sense of being ». Sense, le sens, of being, du verbe to be. Il a choisi being. En anglais, il a pas choisi existing. Alors que le verbe to exist existe aussi en anglais. Voilà. On a la même possibilité en français, donc, soit de parler du sentiment d'être, soit de parler de sentiment d'exister. Et c'est vrai que du point de vue de notre conception des tout petits, ce sont deux choses extrêmement différentes. Mm-hmm. Pour se sentir être, il y a besoin de personne. Et je reviens encore à la période intra-utérine. Quand on voit sur les échographies fœtales un fœtus qui vient, par exemple, coller son dos contre la paroi utérine, qui s'en va, qui revient, qui se recolle, qui s'en va, qu'il attrape le cordon ombilical, il le lâche, il le prend. On peut pas dire qu'il joue, parce que justement, mais enfin il se passe quelque chose. Ou quand un fœtus met ses doigts dans sa bouche, il y a eu des certaines photos à sensation là-dessus, il les sort, il les met dans la bouche, il les sort. On sait pas très bien ce qui se passe dans la tête d'un fœtus, hein, c'est tout le mystère de ce matin. Mais quand même, il est plausible de penser que le fœtus est un organisme vivant qui se sent être, le sentiment d'être, c'est simplement vivre le fait de vivre, ressentir, éprouver qu'on est le fait d'être, le fait, pas qu'on est vivant, parce que ce serait déjà un sujet, ça, mais le fait d'être vivant. Et le bébé, le fœtus in utero, n'a encore aucune idée de ce que c'est que l'environnement, la mère, le père. La mère n'est pas un objet extérieur à lui, c'est lui qui est dedans. Il est enfoui, il est inclus, il fait partie du corps de la mère. Voilà, se sentir être, donc, ne passe pas par la question de l'autre. C'est tout organisme vivant, je pense. Les animaux sûrement, les plantes, je ne sais pas, mais les animaux sûrement ont cette conscience que vous appelez, je crois, vous, philosophe, non-éthique. en tout cas, qui ne passe pas par le je, qui ne passe pas par la réflexivité. Dans notre jargon à nous, on dit qui est pré-objectal, c'est-à-dire qui est possible avant même que le fœtus, bébé, ait découvert qu'un autre que lui existe. Voilà, mais après, Il va falloir que ce sentiment d'être se transforme en sentiment d'exister. Et exister, dans exister, il y a ex qui renvoie justement à l'environnement, à l'entourage, à l'autre, c'est-à-dire à la rencontre du bébé avec le regard, avec l'autre, avec le fonctionnement psychique de l'autre. Se sentir être, on peut en être capable tout seul. Se sentir exister passe par l'autre. Et je reviens à Winnicott, qui a écrit un très très bel article qui s'appelait « Le visage de la mère comme miroir pour le bébé ». Il avait vraiment une capacité de s'identifier, sans doute à la fois d'ailleurs à la mère et au bébé, phénoménale. Et il a dit « Mais quand le bébé regarde la mère ?» Bien sûr, il regarde la mère, mais il regarde la mère qui le regarde. Et se sentir exister passe par le regard de l'autre sur soi, passe par la reconnaissance qu'un autre que soi existe à l'extérieur. Le mot « exister » va bien, c'est à l'extérieur, et que le fonctionnement psychique de l'autre nous renseigne sur nous-mêmes. Petite parenthèse pour dire que quand on parle du narcissisme, Le narcissisme, ça se construit pas tout seul, quoi qu'on en pense. Le narcissisme, il y a besoin de l'autre pour construire son narcissisme. Et alors, petite parenthèse de mon côté, est-ce qu'on peut remplacer la mère par le père ou toute personne? On est d'accord, voilà. La fonction de l'adulte qui prend soin du bébé, bien sûr, bien sûr. Là, ça peut déculpabiliser, mais pour le coup, je fais attention à ce que vous suggériez. Winnicott est aussi l'auteur de cette phrase ahurissante, « Un bébé, ça n'existe pas ». Un bébé tout seul. Ça un bébé tout seul. Ben oui, c'est ce qu'on est en train de dire là. Ouais. Voilà. Alors vous voyez, ce que je veux dire, c'est que pour passer de l'être à l'exister, de l'être à l'existence, c'est donc c'est la découverte de l'autre et du regard de l'autre sur nous. C'est-à-dire que là, et je pense personnellement que tout l'enjeu de la qualité des soins précoces au bébé doit permettre ce passage doux. Douce, que ce soit graduel, progressif, pas discontinu, pas intrusif, pas abrupt. Il faut que la mère, alors je vais prendre deux mots qui peuvent être interprétés comme un peu mystiques, mais moi je voudrais qu'on les entende dans le langage photographique. Il faut que la mère, enfin l'adulte qui s'occupe du bébé, apparaisse ou se révèle au bébé de manière douce. Hein. L'apparition, la révélation, ça fait un petit peu transcendantal. Oui. Mais pensons au bac de révélation du photographe. Il faut que l'image de la mère apparaisse doucement. Au début, le bébé, il va investir des liens vers le dehors, mais c'est encore très flou, c'est très différencié. Et tout doucement, il faut que ça se mette au point. Il faut que le visage, le personnage de la mère, de l'adulte qui prend soin du bébé, apparaisse doucement, de manière douce, graduée, ménagée, pour qu'il n'y ait pas d'intrusion et de traumatisme développemental. Mais vous voyez, rencontrer le regard de la mère pour se sentir exister, comment vous dire ça? C'est une sorte de réflexivité externe. C'est pas encore la réflexivité interne qui permettrait au bébé d'être philosophe. Pour la réflexivité interne, pour moi, mais je vais peut-être dire une bêtise, vous me corrigerez, l'étant à Heideggerien, c'est une réflexion sur l'être, mais du dedans. C'est-à-dire que pour passer de l'être à l'existence, il faut découvrir l'autre au dehors. Mais ensuite, pour pouvoir penser les temps, il va falloir intérioriser ce regard de l'autre et pouvoir le faire fonctionner à partir du dedans. C'est ce qu'on appelle la conscience. Absolument, réflexive. Absolument. Mais encore une fois, conscience éthique. Voilà, mais encore une fois, comment c'est un mystère absolu. On ne peut pas établir l'existence de cette conscience, la naissance précise de cette conscience. Même en psychiatrie, quels sont vos outils Les outils, c'est quand même depuis 30 ou 40 ans. Mais vous avez raison, ce ne sont pas des preuves au niveau d'une certitude, mais ce sont des hypothèses qui donnent cohérence à ce qu'on observe au niveau des interactions. Et il y a eu tout un débat pour savoir si ce qu'on appelle les interactions, c'est la manière dont le bébé s'organise par rapport à l'autre. Tout un débat pour savoir si cette intersubjectivité était immédiate ou plutôt secondaire. Et aujourd'hui, on pense qu'elle s'organise très rapidement dans les toutes premières semaines, premiers mois de la vie, et qu'elle est très parallèle à ce passage de l'être à l'existence. Mais peut-être on en reparlera dans un instant. La mère, au début, en s'adaptant presque à 100%, permet à l'enfant d'avoir l'illusion que son sein à elle fait partie de lui. Le sein est pour ainsi dire sous le contrôle magique de l'enfant. La même chose s'applique à tous les soins maternels en général, pendant les périodes de calme qui s'intercalent entre les périodes d'excitation. L'omnipotence est tout près d'être un fait de l'expérience vécue. la mère aura finalement pour tâche de désillusionner l'enfant progressivement, mais elle n'y réussira que dans la mesure où elle aura sur lui tout d'abord, elle aura su lui donner toutes les possibilités suffisantes d'illusion. En d'autres termes, le saint est créé et recréé par l'enfant à partir de sa capacité d'aimer, ou pourrait-on dire à partir de son besoin. Un phénomène subjectif apparaît ainsi chez l'enfant, phénomène que nous appelons le sein de la mère. Dès la naissance, par conséquent, l'être humain est en but à la question de la relation entre ce qui est perçu objectivement et ce qui est perçu subjectivement. L'individu ne pourra résoudre ce problème sainement que si sa mère lui a fait prendre un bon départ. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. La mère aura finalement pour tâche de désillusionner, et j'entends bien qu'il est intéressant que la mère que je suis n'arrive pas à prononcer ce terme, de désillusionner Bernard Goltz, progressivement, mais elle n'y réussira, dit Winnicott, que dans la mesure où elle aura su lui donner tout d'abord des possibilités suffisantes d'illusion. Ce que dit Winnicott dans ce texte, « Jeu et réalité », c'est le nom du texte, chapitre « Objet transitionnel et phénomène transitionnel », c'est donc que le rôle premier... C'est donc, comme vous l'aviez dit, qu'un bébé développe le sentiment d'exister dans et par la relation à autrui. Il passe de l'être à l'exister parce qu'il crée des relations subjectives et objectives. Mais la mère, dans cette relation-là, a un rôle crucial à jouer, qui est celui de lui offrir des possibilités suffisantes d'illusion. Pourquoi donc l'illusion est-elle nécessaire au début de la vie d'un bébé ? Voilà, alors ça c'est le texte que vous avez choisi de Winnicott est vraiment non seulement très important mais très beau hein, et on l'a tous en tête quand on est pédopsychiatre et qu'on veut travailler de manière un peu psychanalytique avec les dyades ou les triades comme on dit, les pères, mères, bébés. Là d'ailleurs ce texte-là, on l'a bien senti, il pose pas tout à fait la question de l'être et de l'exister mais plutôt de l'être et de l'avoir. Est-ce que je suis le saint ou est-ce que j'ai le saint? Voilà. Et ce qui montre que ça pour poursuivre ce que je vous disais juste avant, c'est que au fond la découverte qu'un autre que soi existe à l'extérieur est absolument corrélée au fait de se découvrir soi-même. Pour se découvrir soi-même, il faut découvrir l'objet et la réflexivité extériorisée. Mais pour découvrir l'objet, il faut d'abord se découvrir soi-même. C'est deux mouvements absolument parallèles, extrêmement, extrêmement intriqués. Alors, vous voyez, prendre des mots très simples, être, se sentir être, c'est au fond la question. La réponse, pardon, à la question « qui suis-je » du verbe « être ». Qui suis-je ? Voilà, l'être. Qui suis-je, moi, dans mon rapport là, dans le monde, dans ce monde-là, dans cet environnement-là, dans cette famille voilà. Qui suis-je du verbe « être ». Tandis que « avoir », c'est autre chose. C'est avoir quelque chose comme l'autre, par exemple, c'est « qui suis-je » du verbe « suivre ». Donc ce sont les identifications, c'est pas pareil. Hein. L'être est du côté de qui suis-je du verbe être, et avoir le sein ou ne pas avoir le sein, c'est la réponse plutôt à la question qui suis-je du verbe avoir. Et bien suivre. Hein? Du verbe suivre. Du verbe suivre. Et il faut que les choses se passent doucement. Au tout début de la vie, peut-être en fin de grossesse d'ailleurs, mais enfin en tout cas au tout début de la vie, Winnicott a parlé de la préoccupation maternelle primaire, où là le bébé serait dans un état de dépendance absolue par rapport à elle, tellement il est fragile, néotène, il peut pas s'en sortir tout seul, on l'a vu tout à l'heure. C'est le besoin absolu d'un autre secourable à ses côtés, ce que la psychanalyse a appelé le Nebenmensch, l'être humain proche. Voilà, mais après, c'est un moment d'illusion, parce que le bébé, la mère, est, quand tout va bien, quand tout va bien. Aujourd'hui, on a dit qu'on parlait des situations qui allaient bien, je crois. à voir. Il nous reste quelques minutes encore. Hein. Dans les situations qui vont bien, la mère, dans ces moments-là, fin de grossesse et première semaine, elle est dans un état de réceptivité, de disponibilité incroyable, une façon de décoder les signaux que le bébé lui envoie, les bouteilles à la mère que le bébé lui envoie, de manière incroyablement efficace. Et d'ailleurs, quand on repasse des films de cette période-là à une maman quelques mois plus tard, et qu'elle s'entend ou qu'elle se voit faire et dire des choses, elle dit « Mais où est-ce que j'ai été chercher ça ? C'est incroyable, aujourd'hui je ne serais plus capable. » Et en fait, là c'est l'illusion, pour le bébé, c'est l'illusion qu'il est le saint. Il suffit qu'il en manifeste vaguement le besoin ou le désir, voilà, c'est l'illusion. Mais après, il va falloir que la mère se retire un tout petit peu, au bout de 3 mois par exemple, il va falloir que la mère se retire un tout petit peu pour aider le bébé à passer de la dépendance absolue. Vous allez dire le papa. Non, de la dépendance peut-être, il faut qu'elle aide le papa aussi, mais là je parlais du bébé, pour aider le bébé à passer de la dépendance absolue à la dépendance relative, et là c'est très subtil, parce qu'il faut que ce petit retrait de la mère ne soit pas vécu par le bébé comme un abandon, mais comme une preuve de confiance. Tu as besoin de moi pour plein de choses, mais il y a des toutes petites choses que tu peux commencer à faire. C'est ce qui est d'ailleurs le socle de ce qu'on appelle aujourd'hui les pédagogies actives. Vous savez que je préside l'association Picler Loxy France qui développe ça pour les bébés. Voilà, et alors si ce retrait a valeur de confiance, ça veut dire que le bébé va commencer à pouvoir se demander qu'est-ce qu'il a besoin qui existe chez l'autre, suivre. Qui suis-je du verbe suivre. Oui. Mais il faut que ce soit très doux, il faut que ce soit très, très progressif. Et Winnicott, qui d'ailleurs, on le décrit souvent comme quelqu'un d'un petit peu très doux, très rose-bonbon, l'ours en peluche, etc. D'accord, mais Winnicott, comme Mozart d'ailleurs, hein, parce que Mozart aussi, on le fait jouer comme ça par les enfants dans les salons bourgeois, tout ça, c'est un aspect des choses seulement, parce que Winnicott, comme Mozart, ils en savaient très long sur l'agressivité. Mozart était un enfant terrible, et Winnicott savait très bien aussi que pour construire l'idée de l'objet, il faut d'abord vouloir l'attaquer dans sa tête. Et quand la mère commence à se retirer un tout petit peu, et que le bébé va devoir se débrouiller un tout petit peu tout seul pour certaines choses, eh bien il en veut énormément à la mère, il l'attaque dans sa tête. Mais quand il commence à voir qu'il a beau l'attaquer dans sa tête, que la mère survit tranquillement au dehors, il y a un texte de Winnicott qui s'appelle « La survie de l'objet » qui est fantastique, là il commence à faire la différence entre la mère du dedans et la mère du dehors, et c'est comme ça, et il entre dans le sentiment d'exister. Allô ? Oui, bonjour Mathilde, c'est Isabelle du PFPE. Je suis avec Karine, la référente du petit Théo, et Sophie, notre psy. On vous appelle parce qu'on est un peu inquiète. On est très inquiète. En effet, différentes observations croisées sur le bébé nous font nous dire que Théo commence peut-être à développer des troubles relationnels. Il a maintenant un peu plus de 3 semaines et il ne s'éveille pas vraiment. Et ça nous interpelle parce qu'il n'y a aucune corrélation entre le comportement de ce bébé et ce que vous nous avez raconté de sa mère biologique. Cette femme a mis du temps avant de réaliser qu'elle était enceinte et que ça ne passerait pas par un coup de baguette magique. Mais après, elle a réussi à investir sa grossesse et son bébé. Elle lui a dit au revoir. Attendez. Elle est venue pour lui dire au revoir, mais elle a rien dit. Elle a pas parlé. Je suis restée tout le temps, elle a pas dit un mot. Rien. Merci. Théo, je t'ai vu à la maternité quand tu es née, mais tu dormais. J'ai vu ta maman aussi. Elle n'a pas pu te parler, mais elle voulait le faire. Je veux te dire que ta maman t'a remis à l'adoption parce qu'elle voulait que tu sois heureux, qu'elle a voulu le mieux pour toi, qu'elle t'a trouvé beau, qu'elle s'est inquiétée de savoir comment tu allais. À quoi sert de parler à son bébé ? C'est un extrait du film Pupille de Jeanne Herry en 2018 qui raconte l'histoire de ce bébé Théo. Que sa mère biologique choisit de ne pas garder à la naissance, qui va être accueillie dans une famille donc d'accueil, et dont on se rend compte, voilà, au bout de 3 semaines, qu'il semble avoir un trouble de comportement, dit-on. Et donc là, on entend l'éducatrice spécialisée ou la psychologue qui raconte à Théo son histoire. Alors, une des premières réactions Bernard Gold, c'est de se dire, mais il peut pas comprendre tout ça. Vous savez, bien entendu, je vais éviter l'idée de faire un diagnostic sur un extrait comme ça aussi court et puis sur un bébé de 3 semaines. Mais je voudrais quand même passer une idée forte, c'est que à 3 semaines ou à 4 semaines, je veux dire, il y a, pour un bébé, il y a plein de raisons différentes de ne pas entrer facilement dans la relation, et tous les bébés qui n'entrent pas facilement dans la relation ne sont pas des bébés autistes. Hein. Donc aujourd'hui, il faut faire attention à ce diagnostic qui est quand même extrêmement extensif et un petit peu galvaudé. Bon, une fois ceci dit, parler aux bébés, on va rejoindre ma passion de la musique, c'est que les bébés, il y avait un très beau livre, il y a longtemps, qui s'appelait « À corps et à cri » de Caroline Eliachev, qu'on peut relire encore, ouais. Hein, qui montrait bien que, un peu dans la perspective de Françoise Dolto, qui a dit des choses extrêmement justes concernant le développement, mais aujourd'hui, bon, l'évolution des connaissances fait que certaines choses peuvent être un petit peu relativisées. Elle pensait vraiment que les bébés étaient sensibles tout de suite au contenu symbolique des mots. Aujourd'hui, on dirait sans doute moins ça. On pense que le contenu symbolique des mots va être un apprentissage dans chaque langue, mais que, en revanche, parmi les compétences immédiates du bébé et probablement construites dès la vie intra-utérine, il y a une sensibilité du bébé à la musique de la phrase. Il comprend aucun des mots, ouais. Mais il comprend l'intonation, c'est-à-dire une communication qu'on appelle préverbale, analogique, parce qu'il faut qu'il y ait une analogie de la structure de la musique, de la phrase, avec la structure des émotions qui sont celles du locuteur, de celui qui parle. Et la parole juste, Françoise Dolto a beaucoup parlé de la parole juste c'est quand notre façon de dire, notre énonciation correspond bien à nos émotions qui sont dessous. Hein. Comme un sourire. Un sourire, on ne peut pas le découper en petits morceaux comme on découpe une phrase en syllabes, en mots, en monèmes, en phonèmes, mais le sourire, c'est un tout. Il y a un début, ça monte, ça redescend, et il y a une espèce de courbe émotionnelle qui doit être, quand le sourire est juste, en accord avec l'émotion. Et le bébé le sent, ça, au quart de tour. Donc, parler à un bébé, et pour une mère, d'ailleurs, parler à son bébé en sentant qu'il ne comprend pas chacun des mots, mais qu'il comprend ce qu'elle a dans la tête en termes d'affect et d'émotion à travers la musique du langage, fait que le bébé est le meilleur confident de la mère à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais parler à un bébé qui ne comprend pas le contenu du message, mais qui comprend la dynamique émotionnelle du message, c'est absolument formidable. Et les bébés, de ce point de vue-là, d'ailleurs, je trouve, sont très intimidants. Je trouve très émouvant. Les bébés nous scrutent, ils nous écoutent, ils nous captent par tous les canaux sensoriels. Ils envoient des signes, et ils regardent comment ça revient. Ils envoient des petits sons, des regards, ils regardent comment tout ça revient. Ils nous scrutent, ils ne nous parlent pas, mais on a vraiment l'impression, on a un petit peu d'un nourrisson savant, un bébé qui en sait long sur les origines de la vie, dont il est plus près que nous, évidemment, 30 ans ou 40 ans plus tard. Voilà, alors ce langage du bébé est absolument indispensable et les bébés qui sont dans des environnements où on parle pas, où on parle peu, oui. Où on parle morne, peuvent avoir des retards de langage très importants par la suite. Hein, les orthophonistes le savent bien. Comment faites-vous, Bernard Golz, au quotidien pour ne pas vivre, comment dire, de manière douloureuse les certaines situations auxquelles vous devez sans doute faire face. C'est-à-dire, juste en écoutant l'extrait de film Pupille de cet enfant abandonné, pour moi c'est très difficile de l'entendre et je me dis tous les jours vous devez être face à des situations extrêmement douloureuses. Oui, mais il faut pas se blinder. Mais si on se blinde pas, parce que on n'a pas de microscope, nous, hein, on n'a pas d'IRM, on n'a pas de PET scan. On travaille avec nos propres parties bébés. Et d'ailleurs, il faut chacun qu'on s'interroge pourquoi on a choisi de travailler avec les bébés des autres, ce qui est très compliqué. Déjà, c'est pour ça que je vous posais la question. S'occuper des bébés des autres est très compliqué, c'est un métier en soi. Et on travaille en acceptant qu'une partie de nous-mêmes revive, vous l'avez bien dit, là, des anxiétés primitives, des dépressions précoces. Regarder le bébé du dehors ne suffit pas. On ne verra quelque chose sur le bébé du dehors que si on repasse par le bébé qu'on a été soi-même. C'est vrai, c'est toujours le bébé qu'on a été soi-même qui est en intérêt. Ou qu'on craint d'avoir été, parce qu'on est quand même longtemps après, c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Mais si on craint, ce bébé qu'on craint d'avoir été, il est fascinant, parce que c'est celui qui nous pousse à nous occuper des bébés des autres, en se disant que peut-être on va pouvoir les protéger de ce qu'on imagine, à tort ou à raison, avoir vécu soi-même. C'est une sorte de réparation. un petit peu, mais il n'y a pas de mauvaise vocation du moment qu'on les éclaircisse. Hein. Mais en même temps, si on est trop hanté par ce bébé qu'on craint d'avoir été, alors ça va faire écran et paravent à notre travail qui est d'observer ce qui vient de ce bébé-là et pas de lui raconter indéfiniment notre histoire. Hein. Donc il y a un équilibre à trouver, là aussi comme un peu les sons de la voix de la mère, entre le bébé du dehors et le bébé du dedans. Mais en tout cas, je trouve que revenir à votre question de pourquoi parler au bébé, ouais. Le bébé... Peut-être je pourrais essayer d'expliquer ça dans la dernière partie de l'émission. Ah, il vous reste 3 minutes, allez-y. Oui, 2 minutes. Le bébé, il arrive dans un monde qui le précède. Il arrive dans un monde où il y a déjà de la pensée, il y a déjà du langage, il y a déjà des relations qui sont organisées. Et tout ça, ça ne va pas lui tomber dessus et ça ne va pas être une vérité révélée comme ça par imprégnation. Chaque bébé va devoir conquérir, avec les adultes qui s'en occupent, reconquérir les processus de la pensée, les processus du langage, les processus, son histoire, filiative ou affiliative, avec l'aide des adultes qui s'occupent de lui. Et moi, je pense que, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais que quelqu'un qui est à la fois théoricien et poète du monde qui l'entoure, celui-là, il a vraiment le droit au titre de philosophe. Hein. Et ben, c'est là que peut-être le bébé est philosophe, parce qu'il arrive dans un monde qui le précède, qui est au départ incompréhensible, sans l'aide de l'autre, et il va se donner une théorie du monde qui l'entoure, en regardant, en écoutant, en envoyant des messages, en regardant comment ça revient, est-ce que c'est comme d'habitude, pas comme d'habitude, enfin toutes les interactions précoces. Mmh. Et il est poète, parce que comme Baudelaire, il fait de la transmodalité, des correspondances sensorielles. C'est-à-dire qu'il est capable de faire passer une information d'un canal sensoriel à un autre canal sensoriel. Il y a quelque chose de ça dans la poésie. Et il me semble que cette correspondance sensorielle d'un flux à l'autre, chez le bébé, existe aussi chez la mère, et que peut-être c'est la rencontre entre ces deux transmodalités qui sont aux racines de la métaphore de notre espèce. En tout cas, théoricien du monde qui l'entoure et poète de ce qu'il observe, il est philosophe. Merci infiniment Bernard Golz d'être venu ce matin nous parler du bébé. Je renvoie à votre livre, Le bébé du sentiment d'être au sentiment d'exister. Vous êtes aussi l'auteur d'un que sais-je qui s'appelle La psychiatrie du bébé. Vous avez également écrit Le bébé, c'est possible aux éditions RS. On mettra votre bibliographie en ligne sur le site des chemins de la philosophie. Et on pensera désormais à Mozart quand on regardera un bébé. On se quitte avec une chanson d'amour d'un père pour sa fille. C'est Jacques Higelin qui chante à la naissance d'Isia Higelin. Ce qui est dit doit être fait. Ce qui est dit doit être fait, ce qui est fait est écrit, c'est comme ça, c'est la vie. 24-9-90, ma petite gonzesse a vu le jour dans la nuit. C'est comme si un tremblement de terre, un volcan, un raz-de-marée me secouait de la tête aux pieds. Le long de la voie lactée, le long de la voie lactée. Soleil de plomb dans la nuit noire, je me sens comme un lion dans un square. C'est la vie, c'est le traquenard. De l'aube jusqu'au lendemain matin, j'ai alerté tous les pingouins de ma galaxie. J'suis papa. Si on savait tout de ce qui nous reste à prouver, est-ce qu'on se mouillerait jusqu'au genre de petite beauté qui vous ligote au pied de son berceau. Va, ma reine, va là où tu veux. Mon amour jamais ne te quittera des yeux. Va, mon ange, ouvre le chemin à l'étrange avant du destin. Du bébé à Jacques Higelin sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. comment découvre-t-on l'histoire? En arrivant sur une île déserte, si on trouve une pointe de flèche taillée, on se dira sans doute possible, il y a eu là des êtres humains. C'est du moins ce que dit Bergson dans l'évolution créatrice en racontant que l'homme est un homo faber, un être technique, et la découverte d'un objet technique nous montrerait sans doute possible qu'il y a eu là des humains. Mais il y a un autre enjeu dans cette découverte, ce passé que nous employons. Il y a eu là des êtres humains. Oui, d'une certaine façon, en découvrant cette pointe de flèche taillée, nous découvrons un fait historique. Nous découvrons qu'il y a eu là des êtres humains, qu'il y en a une trace objective, et nous pouvons chercher à l'établir scientifiquement. La découverte de l'histoire, c'est toujours la découverte aussi d'une trace objective d'un passé réel. Ceux qui nient le passé ne peuvent pas assumer la dimension historique. L'histoire repose toujours sur une trace objective du passé, sur une archive, sur un document. C'est ce qui fera aussi la vérité de la connaissance historique. Pourtant, il y a un autre enjeu dans l'histoire. Quand nous découvrons une pointe de flèche taillée, nous ne sommes pas tout à fait neutres. Nous découvrons l'autre passé, le passé des êtres humains, quelque chose comme d'ailleurs une préhistoire, dans la mesure où ceux qui ont fait des pointes de flèche taillée n'avaient peut-être pas encore le langage, n'avaient pas encore écrit sur des blocs de pierre, n'étaient pas encore entrés dans cette ère historique qu'on définit souvent justement par la maîtrise de l'écriture. Malgré tout, nous découvrons notre propre passé. L'histoire n'est pas seulement la connaissance objective d'un passé en général. L'histoire, c'est aussi la découverte d'un lien avec nous, d'une expérience qui nous définit en quelque sorte. Et pour certains, cette situation historique de l'être humain qui découvre le passé peut entrer en tension avec la dimension objective de la connaissance du passé par ses traces.